Mini. Mini. Twitter. Mini. Si, si. Dans ce putain de monde on pousse à bout. Sache qu'il me suffit d'un rien pour que mon sang ne fasse qu'un tour prêt à lâcher les coups. Que ce soit par haine ou par amour, plus temps de réfléchir, je vois rouger le gouffre dans la boîte crânienne. Je suis pas là pour mes ébroutes et dans ma classe moyenne, noyé par les factures, amende, les fins de mois, le montant du loyer, rassurer la famille, le foyer. Il fut un temps où je me cachais pour aboyer. Depuis je réclame un peu d'auteur, est-ce que vous me voyez? Quand je dis que je suis prêt à tout pour la sauvegarde de mes biens, des miens, est-ce que vous me croyez? Marre de courber les chines, marre de brailler. Maintenant je graillais, loin d'être paresseux à mater le trotteur du temps, tourné en baillant. Donc oui je me fais violence, oui j'ai mis l'armure du chevalier défaillant. Ne restez pas ébahis par mes déterminations flamboyantes. Faites monter les paris, n'écoutez pas ceux qui me disent perdant. J'ai gagné, puis une fois en y allant boitant. En tout cas j'y vais droit devant. Je connais pas la définition du mot enculé, mais je connais la différence entre un plan foireux et un plan d'enculé. Difficile d'oublier ces périodes où on m'a malmené. Pensez de pas le freiner. Je pense donc j'y suis, la crasse à vermine, ce qui s'en suivra. À la fin on verra qui continuera à s'empiffrer. Détruit sans bif, une boule de clown sur pif. M'arrache sur la lead master, je demande pas qu'on me kiffe, mais qu'on se demande le but de ma violence intérieure. Ce qu'il en résultera de ça, ce qui en sortira de ça, inimaginable. C'est comme sortir tout positif d'une putain de vie de marginal. Se faire violence est vital, parfois inévitable. Avant le pétage de câble, un châle sur la table, devant les pinces de crabe. On se lâche sauvage, dans le dos on se prépare à la sauvegarde. Je pars à la soga, s'il nous reste un peu d'honneur et de fierté, levons nos têtes, qu'on se regarde. J'avance avec mes gardes, esselé sans méga. Je cogite en haut débit, je tape peut-être le 100 méga. Animé par une motivation sans égale, j'emmerde l'alpha l'oméga. Faites que je t'aide jusqu'à la fin, que les prochains remettent ça, mec. Pensez comme ça, mec. Maté, l'étincelle, son trajet sur la mèche. Déter, déter, miné, miné, miné.